Chapitre 2. Occasion des persécutions et mauvais traitements qu'elle eut à souffrir de la part de ses proches. Il nous faut remonter pour trouver le principe de ses tribulations jusqu'à la mort de sa mère. Son père s'étant remarié, la femme qu'il épousa, ainsi qu'il arrive ordinairement en pareil cas, regarda Germaine de mauvais œil et la prit en aversion. N'ayant de pensée et de soins que pour ses propres enfants, elle ne se contentait pas de négliger sa belle-fille. Elle en vint jusqu'à lui infliger de mauvais traitements. Germaine était estropiée du bras droit, probablement de naissance, et scrofuleuse. Ces deux infirmités qu'elle supporta avec une patience et une résignation inaltérables, elle les conserva jusqu'à sa mort, soit parce qu'elles étaient incurables de leur nature, soit parce que, à cause de l'extrême pauvreté de la famille et de l'insouciance de ceux qui l'entouraient, elles ne furent jamais traitées convenablement. Or, ce qui devait naturellement exciter la pitié et la compassion fut, au contraire, une cause d'une plus grande aversion de la part de la marâtre. La seule vue de Germaine avec son bras estropié et ses plaies toujours vives soulevait ses répugnances et son dégoût. Elle ne pouvait pas même supporter de la voir à ses côtés pendant quelques instants. Tantôt elle la rebutait avec d'amères paroles, tantôt elle la reprenait en termes injurieux et grossiers. Et bien que la sainte enfant se montrât en tout docile, soumise et obéissante au moindre signe, elle ne put jamais obtenir de sa marâtre une parole de bienveillance, un air de bon accueil, un regard moins méprisant. Tout ce qu'elle faisait était mal fait, et il n'est sorte de mauvais traitements qu'elle n'eût reçu. Cette méchante femme en arriva par ses fâcheuses insinuations jusqu'à prévenir le père même contre sa fille, quoiqu'il fût de bon naturel, et à lui persuader de reléguer le plus loin possible de la maison cet avorton, comme elle l'appelait. Elle lui représenta qu'il y aurait grand danger à garder une scrofuleuse au milieu des autres enfants, auxquels le mal se communiquerait facilement et qui, de cette manière, en demeurerait vicié et infecté. Ces raisons, présentées avec cette force que sait ordinairement leur donner une femme passionnée, finirent par convaincre Laurent. Il donna à Germaine le soin d'un troupeau de brebis, et par ce moyen il la tint tout le long du jour éloignée de la maison paternelle, dans la nécessité où elle se trouvait de passer sa vie au milieu des champs et des bois. Comme complément à tout cela, l'implacable marâtre ne voulut lui donner, pour s'y livrer au repos de la nuit, qu'un coin de l'étable et un lit de sarment.